إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mes frères en Allah, tabarak wa ta'ala, nous nous réunissons aujourd'hui par la grâce d'Allah et par un effet de ses bienfaits et de sa miséricorde pour étudier ensemble une série de hadiths spécifiques concernant les droits d'Allah, tabarak wa ta'ala. Les savants de l'islam, dans l'histoire de l'islam, ont compilé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois par thème. Et il est souvent venu que les mémorisateurs du hadith fassent une compilation de 40 hadiths, car le nombre de 40 est un nombre facile pour toute personne. Donc ils essayent de prendre les 40 hadiths les plus importants d'un chapitre qu'ils ont choisi de traiter. 40 hadiths dans les vertus de telle chose, 40 hadiths dans le tawhid, dans les noms d'Allah, 40 hadiths dans les mérites de l'islam, 40 hadiths dans les fondements de l'islam, etc. Alors nous allons voir, nous ensemble, 40 hadiths concernant les droits du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Le premier hadith que nous allons voir ensemble, c'est le hadith, je vais lire les hadiths d'abord en arabe, après je vais les traduire, inshallah. An Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, qala, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala himarin yuqalu lahu Ufayr. Faqala ya Mu'ad, هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا. قال لا تبشرهم فيتكلوا. والحديث متفق عليه. وردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلفه، ردف كل شيء مؤخره. ويتكلوا بمعنى يقصروا. Selon Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait pris en croupe derrière lui sur un âne qu'on appelait Ufayr. Il me dit donc, ô Mu'az, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit de ses serviteurs sur Allah? Allah et son envoyé sont ceux qui le savent le mieux, répondis-je. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, reprit-il, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui aura rien associé. Puis-je, ô envoyé d'Allah, dis-je alors, porter cette bonne nouvelle aux musulmans, aux gens? Ne le fais pas, me répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il pourrait alors se reposer entièrement là-dessus. Dans ce hadith, Mu'adh radiallahu anhu dit qu'il était monté en croupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne nommé Ufayr. Ufayr, ça vient de, dans la langue arabe, de l'Afra, qui est du rouge mélangé au blanc. Donc c'était un âne qui était coloré. Et c'est pour ça qu'il a été nommé par ce nom-là, Ufayr. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs? C'est-à-dire, connais-tu ce qu'il leur a rendu obligatoire et ce qu'il leur incombe vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et connais-tu le droit des serviteurs sur Allah, c'est-à-dire ce qu'Allah leur a promis en retour comme récompense et rétribution? Et la promesse d'Allah est véridique et sa parole est vérité, subhanahu wa ta'ala. Et Allah peut obliger à sa propre personne ce qu'il veut, par générosité et miséricorde et grâce de sa part. Et non pas parce que quelqu'un peut obliger quelque chose à Allah tabarak wa ta'ala. C'est une grâce de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Alors Mu'adh a dit, Allah et son messager le savent mieux. Et c'était la manière dont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de répondre quand ils étaient questionnés sur une chose dont ils n'avaient pas connaissance. Allah et son messager le savent mieux. Effectivement, Allah est celui qui possède la connaissance parfaite et absolue. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est l'homme qu'Allah a choisi pour lui donner la révélation. Donc c'est celui qui sait le mieux parmi les hommes les règles religieuses et les choses liées à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et à la révélation. Et cette manière de répondre quand on ne connaît pas est spécifique à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était vivant. Maintenant qu'il est mort, on se suffit de dire Allah sait mieux. Cependant, Allah est plus connaisseur. Certains savants disent qu'il n'y a pas de mal dans les questions religieuses à dire Allah et son messager le savent mieux, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé des règles religieuses avant qu'il meure. Mais Allahu a'lam, il se suffit de dire Allah sait mieux, maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donc répondu que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul, sans associé, en lui vouant un culte exclusif, sans lui donner aucun associé. Et en retour, la récompense de cela, le droit des serviteurs monothéistes, qui ne donnent pas d'associé à Allah tabaraka wa ta'ala, qui l'adorent sans lui donner d'associé, c'est qu'Allah ne châtie pas les monothéistes purs, ceux qui ne lui donnent aucun associé. Et ça, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, une grâce de sa part et une miséricorde envers les gens du tawhid, envers les gens qui concrétisent le monothéisme pur. Alors Mu'adh a voulu s'empresser d'annoncer la bonne nouvelle aux gens, aux messagers d'Allah. Est-ce que je peux annoncer cette bonne nouvelle réjouissante aux gens afin qu'ils se réjouissent comme moi je me suis réjoui aux messagers d'Allah? Qu'Allah Ta'ala va les faire entrer au paradis. Toute personne qui meurt sans donner d'associé à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit cela. Ne leur annonce pas cette nouvelle. Car il se pourrait que cela les pousse à délaisser les œuvres. On comprend à partir de cette interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les permissions et les facilités en islam ne sont pas à répandre au grand public à tout va. Sinon les gens pencheraient vers les permissions et les facilités et se laisseraient aller. Il est plutôt du devoir de l'enseignant de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'appeler les gens à l'azima, à prendre les ordres religieux avec force. Ya Yahya, خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ô Yahya, prends le livre avec force, avec détermination. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu enseigner cela à Mu'adh et aux musulmans. D'ailleurs, Mu'adh radiallahu anhu a transmis ce hadith après, de peur d'avoir le péché d'avoir tué une science qu'il détenait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une erreur de transmettre que les mérites et les vertus aux gens, sans jamais les pousser à en faire plus, à faire plus d'actions, à essayer de sauver leur âme. Alors, on pourrait se demander, alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à Mu'adh? Oui, pour les personnes comme Mu'adh, pour les personnes qui aiment Allah, qui connaissent Allah, qui sont proches d'Allah, ce genre de hadith les motive à faire encore plus d'actions. Mais pour les personnes faibles comme le commun des musulmans, ce genre de hadith, s'il est mal compris, pourrait les pousser à se reposer sur leur parole « La ilaha illallah » et à en faire le minimum. On peut tirer comme leçon de ce hadith que le droit d'Allah qu'il a rendu obligatoire et imposé à ses serviteurs, c'est qu'il l'adore. Premièrement, qu'il l'adore. Donc, il est du devoir de tout être humain d'adorer Allah, en lui obéissant, en lui vouant un culte exclusif. Qu'il l'adore. Qu'il l'adore comment? Sans lui donner aucun associé. Qu'il l'adore lui seul. On peut tirer de ce hadith que le droit des serviteurs sur Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'en récompense pour celui qui adore Allah sans lui donner d'associé, par un effet de sa grâce et de son bienfait, c'est qu'il le fait entrer au paradis sans le châtier. Sans le châtier. Ce droit qu'Allah ta'ala s'est imposé à lui-même, c'est une promesse véridique de la part d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Sa parole est vérité. Allah ta'ala ne ment jamais. Donc, c'est dans ce sens-là, et pas dans le sens une obligation religieuse qui est imposée à une créature. Car il n'y a qu'Allah ta'ala qui peut imposer les choses. Personne ne peut imposer une chose à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce hadith, on peut en tirer qu'il est permis de monter à deux sur une monture à condition que cette monture soit capable de supporter cela. On tire comme leçon de ce hadith la modestie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, du fait qu'il faisait monter ses compagnons avec lui en croupe sur la même monture, non pas comme certains orgueilleux qui ne voudraient jamais partager leur monture avec personne. On peut tirer de ce hadith le mérite de Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu et sa grande politesse dans la manière dont il s'est adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la manière, dans les règles de bienséance, de la manière dont il a appris la science auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont on doit tirer des leçons. Et le fait que quand il ne connaissait pas une chose, il s'en est tenu à dire Allah et son messager le savent mieux. Subhanallah, les sahaba, les meilleurs des hommes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les plus savants de cette communauté, les plus pieux d'entre eux. À combien de questions ils disaient Allah et son messager savent mieux. Et aujourd'hui, des gens qui ne connaissent rien de l'islam répondent à toutes les questions liées à l'islam sans jamais se remettre en question, sans jamais revenir aux gens qui maîtrisent les sciences religieuses. Tout le monde aujourd'hui maintenant prend la parole pour parler de l'islam comme il veut. Ceci est illicite, ceci est illicite, ceci est bien, ceci est mal, à mon avis, à mon avis, à mon avis, à mon avis. Regardez les meilleurs des hommes. Mu'ad ibn Jabal, il faisait partie des savants parmi les sahaba. C'était pas seulement un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi le commun des compagnons. Il fait partie des quatre compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez le Coran des quatre que je vais vous citer. » Il a cité Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal. Donc vous vous imaginez, il fait partie de ses compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de prendre le Coran de lui. Après la victoire de la Mecque, il a laissé Mu'ad ibn Jabal à la Mecque pour enseigner le Coran et la religion aux gens de la Mecque. Il l'a laissé comme mufti, enseignant de la Mecque, radiallahu anhu. Et il l'a envoyé, comme on va le voir dans un autre hadith, il l'a envoyé comme gouverneur au Yémen et prédicateur pour aller enseigner le monothéisme pur et l'islam au Yémen. Dans ce hadith, il y a une bonne nouvelle et une bonne annonce pour les monothéistes purs, ceux qui ne donnent aucun associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah leur a promis qu'il ne les châtierait pas et qu'il les ferait entrer au paradis par sa grâce. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Dans ce hadith, on voit qu'il est permis d'appeler une bête par un nom qui est spécifique à elle, comme là, Ufayr. Dans ce hadith, on voit qu'on peut enseigner en posant des questions. Un enseignant, un professeur, un cheikh peut enseigner à ses élèves en leur posant des questions, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ici avec Mu'ad ibn Jabal. Et on voit aussi la bonne manière, la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement du tawhid. Car il était le meilleur des professeurs qu'Allah a choisi pour l'humanité, pour leur enseigner leur religion. Le deuxième hadith que nous allons voir, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه. Ubada ibn al-Samit radiallahu anhu ghulat. que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: quiconque atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration excepté Allah, unique et sans associé, que Muhammad est son serviteur et messager, que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il envoya à Maryam, Marie, et une âme provenant de lui, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, entrera au paradis quels qu'aient été ses actes. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration autre qu'Allah, bien sûr, en connaissant le sens de cette parole et en pratiquant de manière intérieure et extérieure ce qu'implique cette parole. C'est-à-dire, il ne suffit pas de la dire sans en comprendre le sens et sans en pratiquer les implications. Celui qui dit cette parole sans en comprendre le sens et sans en pratiquer les implications ne fait pas partie des gens qui sont cités dans ce hadith. Et la ilaha illallah, ça veut dire nul divinité ou nul Dieu n'est digne d'être adoré excepté Allah. Wahdahu la sharika lah, unique, c'est pour appuyer le fait qu'il est unique, qu'on adore lui seul. La sharika lah, c'est une autre manière d'appuyer en niant qu'il est désassocié, subhanahu wa ta'ala. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, qu'il atteste que Muhammad est le serviteur d'Allah. Donc ceci prouve qu'il est un serviteur et qu'il n'a aucune part dans la divinité. Et on ne doit lui vouer aucune adoration qui est propre à Allah tabarak wa ta'ala. Wa rasuluhu, et son messager qu'il a envoyé avec sa législation. Et que Isa, Jésus, donc il atteste aussi que Isa, fils de Mariam, Jésus, fils de Marie, est le serviteur d'Allah, contrairement à ce que croient les chrétiens, qu'il est Allah, ou qu'il est le fils d'Allah, ou qu'il est une part de la Trinité, selon leurs différentes sectes. Et son messager, contrairement à ceux qui ont rejeté son message parmi les Juifs. Wa kalimatuhu, et sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire sa parole? C'est le fait qu'Allah ait dit soit et il a été. Sa parole, c'est-à-dire Allah, il a dit soit. Il l'a créé sans père. Il a dit soit et il l'a créé dans le ventre de sa mère, Maryam, Marie. Alqaha ila Maryam. Allah Ta'ala a envoyé Jibril alayhi salat wa salam pour lui insuffler une âme créée par Allah qui n'est pas comme diraient les adorateurs de Isa, que c'est une âme, c'est-à-dire l'âme d'Allah. Non, c'est une âme créée par Allah qui lui a insufflé dans le ventre de Maryam. وَرُوحٌ مِّنْهُ, et une âme provenant de lui, c'est-à-dire une âme qu'Allah a créée. مِّنْهُ, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, provenant de lui. C'est-à-dire une âme qu'Allah a créée, comme il a créé les cieux et la terre, et non pas comme certains pourraient penser que c'est une âme d'Allah, comme le disent les gens de la Trinité. Et qui atteste que le paradis et l'enfer sont vrais, qu'Allah les a créés, Allah a informé de leur réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de leur réalité, et qu'il n'y a aucun doute en cela, Allah l'entrera au paradis, quels que soient ses actes. ala ma kana min al-amal. Quel que soit ses actes, ala ma kana min al-amal, ça a été expliqué de deux manières par les savants. Premièrement, c'est-à-dire que tant qu'il est monothéiste, un jour ou l'autre, il entrera au paradis, peu importe ses actes. C'est-à-dire, même s'il passe par l'enfer, tant qu'il est monothéiste, tant qu'il est croyant, musulman, il entrera au paradis un jour ou l'autre. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, « ala ma kana min al-amal », c'est-à-dire, il entrera au paradis selon le niveau de ses actes qu'il faisait. Selon le niveau de ses actes qu'il faisait. Celui qui avait beaucoup d'actes sincères et pieux aura un meilleur niveau que celui qui en avait moins. Donc, ce hadith nous informe que quiconque prononce cette parole d'unicité, qui en a connu la signification et qui a œuvré en fonction de ses implications et qui a attesté de la servitude de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de l'authenticité de son message et de la servitude de Jésus, de Isa alayhi salatu wa sallam, qui a été créé par la parole soi puis enfanté par sa mère Maryam alayhi salam, Marie. Quiconque donc a cru en ce qui précède et qui a défendu et innocenté Maryam de ce que ses ennemis parmi les juifs l'ont accusé, lui ont attribué du fait qu'elle aurait forniqué, et quiconque a cru à l'existence du paradis et de l'enfer, qui est réservé, le paradis réservé aux croyants et l'enfer réservé aux mécréants, puis meurt sur cette croyance, il entrera au paradis, quels que soient ses actes. On peut tirer de ce hadith, après avoir donné l'explication générale, que la double attestation de foi, c'est la base et le fondement de la religion. C'est d'ailleurs la porte par laquelle une personne entre en islam. Le fait d'attester, la double attestation de foi. Et attester, c'est obligatoirement avec la langue. La personne doit le dire avec sa langue, en y croyant sincèrement dans son cœur, et en pratiquant ce qu'implique cette parole. On voit dans ce hadith la valeur et la vertu du tawhid, du monothéisme pur, et qu'il efface et expie tous les péchés. On voit que la croyance du monothéisme pur, du tawhid, est contradictoire à toutes les croyances des autres religions qui ne sont pas agréées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah ta'ala a dit, dans le sens, certes la seule religion agréée auprès d'Allah est l'islam. Peu importe les autres religions, qu'elles soient des gens du livre, ou des athées, ou autres. Personne ne porte cette croyance du monothéisme pur comme les gens de la vérité, les gens de l'islam. On tire de ce hadith aussi que la double attestation de foi n'est pas valide tant que la personne ne comprend pas son sens et ne pratique pas ses implications. On tire de ce hadith qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réuni au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entre la servitude et le fait qu'il est son messager et le message. Cela est une réponse aux exagérateurs, ceux qui exagèrent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prennent en divinité en dehors d'Allah, et une réponse aux laxistes qui le négligent, qui ne le respectent pas et qui ne croient pas dans son message ou qui remettent en cause la véracité de ces hadiths. Donc c'est une réponse aux deux extrêmes. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce hadith, Allah ta'ala a fait, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce qu'Allah lui a révélé, que Isa alayhi salam aussi, il lui a réuni entre l'ubudiyya, la servitude, wa ar-risala. Fahuwa abdun la yu'bad. C'est un serviteur qu'on ne peut adorer. Et un messager envoyé par Allah, la yukadzab. On ne peut pas le démentir. Il est interdit de démentir ce qu'il a amené de la part d'Allah. Que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète Isa, ou tous les prophètes envoyés par Allah. Alayhi salatu wa salam. On voit de ce hadith que Isa alayhi salam a été créé de la part d'Allah, qu'Allah l'a créé dans le ventre de sa mère Mariam, son père. On voit dans ce hadith que les désobéissants et les pécheurs parmi les monothéistes ne resteront pas éternellement en enfer. Ce hadith prouve aussi un des attributs parmi les attributs d'Allah, sa parole. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam » et sa parole, c'est-à-dire le fait qu'Allah dise « Kun » soit. Ce hadith aussi prouve la véracité de la résurrection, le fait de croire dans la résurrection et le fait de croire dans le paradis et l'enfer. Le troisième hadith, vous allez voir les trois, quatre premiers hadiths, ils vont dans le même sens, c'est pour ça qu'on les a réunis. Ali ibn Abbas radiallahu anhuma. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس والحديث أخرجه مسلم و في رواية أخرى للبخاري واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Tarjuman al-Qur'an, celui qui a expliqué le Qur'an, celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah, qui lui enseigne l'explication du Qur'an et qui le rend doué dans les sciences de la jurisprudence religieuse. Un des savants de cette communauté et parmi les savants des jeunes parmi les sahaba. Car dans les sahaba, il y avait les plus âgés et les enfants des sahaba, les plus jeunes. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Zubayr, les quatre abadila, parmi les enfants des sahaba. Leurs parents sont sahabi et eux sont des sahaba. Et ils font partie des quatre parmi les savants des enfants des sahaba. Si ces quatre-là étaient d'accord sur une question, tout le monde les suivait. C'était comme si c'était un consensus. Les quatre Abdullah, s'ils étaient d'accord sur une question religieuse, tout le monde les suivait. Parmi eux, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il relate que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Mu'az, on revient à Mu'az ibn Jabal, radiyallahu anhu, lorsqu'il l'envoya au Yémen, comme émissaire au Yémen, tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens. Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration excepté Allah. Et dans une autre version, soit qu'ils vouent un culte exclusif à Allah. S'ils t'obéissent sur ce point, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire l'accomplissement de 5 prières, de jour comme de nuit. S'ils t'obéissent sur ce point, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée sur les plus riches d'entre eux et redistribuée aux plus pauvres. S'ils t'obéissent sur ce point, fais en sorte de ne pas prendre leurs biens les plus précieux et redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal comme émissaire au Yémen afin d'appeler les gens à l'islam. Et on voit comment il lui enseigne la sagesse dans la da'wa ila Allah, dans l'appel à Allah. La première leçon que l'on peut tirer, c'est que déjà il n'a pas envoyé un commun parmi les communs des sahaba, il a envoyé un savant parmi les savants des sahaba, un connaisseur. Car une personne qui ne connaît pas, comment voulez-vous qu'il enseigne aux autres? Il va leur enseigner quoi? L'ignorance? Et malgré cela, malgré que c'était un savant, un connaisseur, il lui a donné des recommandations, une manière d'agir, une sagesse dans les priorités, le fait de prioriser dans la da'wah, de prioriser le plus important, puis ce qui vient après parmi ce qui est important. Et c'est une chose très importante à connaître dans le prêche, dans l'appel à Allah, souvent dans nos familles, auprès de nos amis, de nos collègues, des gens qu'on fréquente. On va se concentrer sur des choses secondaires et oublier l'essentiel. Prioriser les choses les plus importantes dans l'appel à Allah est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'adh ibn Jabal. Et nous a enseigné à nous tous. Et là, donc, on reprend le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen. Non, le hadith, on l'a déjà traduit, excusez-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, quand il a envoyé Mu'adh radiallahu anhu au Yémen, afin de leur enseigner l'islam, il lui a démontré une démarche et une marche à suivre précise dans la prédication. Premièrement, il lui a expliqué vers qui il l'envoyait. Ça, c'est la première chose à connaître. Halul mad'u, l'état de l'appel, l'état de la personne à qui on enseigne, l'état de la personne qu'on appelle à Allah. Quelle est sa situation? C'est un musulman? C'est un non-musulman? C'est un chrétien, un juif, un athée? Quelle est sa situation? Parce que le prêche à un athée, ce n'est pas le même prêche qu'à un chrétien. Le prêche à un musulman pécheur, ce n'est pas le même prêche qu'à un bouddhiste, par exemple. Donc il faut connaître l'état de la personne à qui on parle. Quel est son niveau de connaissance? Quelle est sa situation? Donc quand il a enseigné à Mu'adh ibn Jabal qu'il l'envoyait à des gens du livre, c'est pour deux choses. Premièrement, c'est des gens qui ont des restes de la révélation mélangés avec du faux. Deuxièmement, ils aiment la polémique. Et ils vont essayer de jeter des ambiguïtés. Donc arme-toi bien. Arme-toi de connaissances pour répondre à leurs ambiguïtés, pour répondre à leurs questionnements. Ils aiment la querelle. Donc, il est important aux prédicateurs de se préparer pour aller enseigner, pour aller débattre quand c'est nécessaire, afin de repousser leurs ambiguïtés, mais aussi faire en sorte que la première chose à laquelle il les invite soit le monothéisme pur, le tawhid. Les appeler à vouer un culte exclusif à Allah. La croyance est la base sur laquelle tout le reste se construit. D'ailleurs, le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prêche des compagnons, le prêche des grands imams de l'islam, des gens qui se sont attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est par cela que les gens de la sunna se différencient des autres. C'est que leur prêche commence et se concentre essentiellement et en priorité sur le tawhid, le monothéisme pur. Un prêche sans tawhid n'est pas un appel à Allah. Celui qui appelle juste au bon comportement, à être gentil, à se faire des sourires, même un non-musulman, il peut faire ça. Il y a des non-musulmans qui sont plus gentils que certains musulmans. Pourtant, ils ne sont pas sur le droit chemin. Et ils n'ont pas de récompense pour ces choses-là dans le delà auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc, ça c'est une science essentielle pour tout prédicateur, tout enseignant. Que son prêche doit être avant tout et surtout sur le tawhid, le monothéisme pur, la croyance saine. Purifier la croyance. Nettoyer les mauvaises croyances et enseigner la bonne croyance. Et enseigner la bonne croyance. C'est ce par quoi a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Purifier les sahaba des mauvaises croyances et des mauvaises habitudes qu'ils avaient pour leur enseigner les bonnes croyances, les bonnes adorations, les bonnes habitudes. D'ailleurs, les bonnes adorations et les bons comportements et les bonnes habitudes ne sont que le fruit et la résultante d'une bonne croyance. Si une bonne croyance saine est ancrée dans les cœurs, elle ne peut donner que de bons fruits. Et quand on voit les fruits en train de pourrir, alors il faut, au lieu d'essayer d'arranger les fruits et les feuilles, il faut corriger la base du problème, qui est la croyance. Donc voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'adh. De leur enseigner avant tout le monothéisme pur. Liwahidullah. C'est-à-dire qu'il voue un culte exclusif à Allah. S'ils t'obéissent en cela, ils sont prêts à accepter cela, à ne pas adorer les saints, les prophètes en dehors d'Allah, les anges, les djinns, les arbres. À partir de là, enseigne-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières de jour comme de nuit. Les prières obligatoires est la chose la plus importante après la double attestation de foi. Parmi les œuvres apparentes, c'est l'œuvre la plus importante. Puis, s'ils t'obéissent en cela et ils accomplissent la prière, enseigne-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire une aumône légale, zakat, qui est prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs plus pauvres. On comprend de ce hadith qu'à la base, une zakat doit être redistribuée au même endroit où elle a été prélevée. Comme il est dit dans le hadith, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ. Elle est prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres. Il n'a pas dit va chercher la zakat, ramène-la. Redistribue-la là-bas directement à leurs pauvres. Donc la base dans la zakat, c'est qu'elle soit distribuée dans l'endroit où l'argent se trouve. Et il est permis, dans certains cas exceptionnels, s'il y a un intérêt supérieur, qu'elle soit sortie dans un autre endroit, dans un autre pays, quand il y a des catastrophes, des guerres, des famines, ce type de situation. Mais sinon, à la base, la zakat doit être sortie dans l'endroit où l'on vit, dans l'endroit où elle est prélevée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une indication. Quand il prélève la zakat, il a dit ne prends pas le meilleur de leurs biens. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a des chameaux. Il ne prend pas le plus beau, les plus chers de ses chameaux pour la zakat. Quelqu'un qui a des bêtes, quelqu'un qui a, peu importe, quel bien il a. Mais la zakat, elle doit être prise du bien médian, moyen. On ne prend pas le meilleur, on ne prend pas le plus mauvais, le pire. On prend ce qui est moyen. Sauf si celui qui donne la zakat de lui-même, par amour pour Allah, il veut donner le meilleur de ce qu'il a. Mais sinon, le préleveur de zakat, il ne doit pas prendre le meilleur de leur argent. Il doit prendre ce qui est moyen. Puis il l'a mis en garde. Crains l'invocation de l'opprimé. N'opprime pas les gens. Même un non-musulman. Car il n'y a pas de voile entre lui et Allah. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quelques mots, il envoie cet émissaire appelé à Allah les consignes qu'il lui donne. Enseigne-leur le tawhid, l'adoration d'Allah, les prières, la zakat. Sois juste dans ta manière de prendre la zakat et fais attention de ne pas être injuste, car il n'y a pas de voile entre l'opprimé, l'invocation de l'opprimé et Allah. Comme il est dit dans un autre hadith, Allah ne rejette pas l'invocation de l'opprimé même s'il est mécréant. On va voir le dernier hadith qui est assez court et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار رواه مسلم من لقي بمعنى من مات وقوله شيئا أي شريك قليلا كان أو كثيرا قليلا كان أو كثيرا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه relate que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit quiconque rencontre Allah sans rien lui avoir associé entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit, entrera en enfer. Rapporté par l'imam muslim. Quiconque rencontre Allah, c'est-à-dire quiconque meurt. Quiconque meurt. Car quand on meurt, c'est le moment où on va vers la rencontre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quiconque meurt. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe du fait que quiconque meurt sans avoir associé à Allah dans sa seigneurie, ni dans sa divinité, ni dans ses noms et ses attributs, entrera au paradis. Et que quiconque meurt en lui ayant donné un associé, quoi que ce soit ou qui que ce soit, aussi petit qu'il soit ou grand, sa destination sera l'enfer. On a vu dans ces quatre hadiths que l'on a vus ensemble aujourd'hui les mérites, certains mérites du monothéisme et certains mérites de la parole La ilaha illallah, certains mérites du tawhid. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retourner, j'ai fait une conférence, les mérites du tawhid, qui est plus détaillée que cela. Ou bien dans l'explication de Kitab al-Tawhid que vous retrouvez sur notre chaîne, Inch'Allah, doulussunnah.com. On voit aussi le danger de l'associatrie, du polythéisme, le shirk. Le shirk billahi zulmun azim. Donner un associé à Allah est une grande injustice. Car c'est une transgression envers le droit d'Allah spécifique à lui, qui est le tawhid. Le tawhid est la plus juste des justices. Et le polythéisme, l'associatrie, est la plus grande des injustices. Et la plus mauvaise et la plus sale des choses. Car c'est un moyen de rabaisser Allah, le Seigneur des mondes. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est une façon de s'enorgueillir vis-à-vis d'Allah et de ses ordres, de son obéissance. Et de détourner ce qui est le droit d'Allah spécifique à lui. Allah Ta'ala a dit « Inna shirka la zulmun azim » dans Surat Luqman. Certes, l'associatrie est une injustice énorme. Allah tabaraka wa ta'ala peut pardonner tous les péchés. Celui qui meurt parmi les croyants avec des grands péchés, sans donner d'associé à Allah, il est tahta al-mashi'a, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne par sa miséricorde, et s'il veut, il le châtie par sa justice. Mais celui qui meurt avec le péché du shirk, le polythéisme, l'associatrie, Allah ne lui pardonnera pas. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Certes, celui qui donne un associé à Allah a certes accompli un très grand péché dans le sens de sa parole. Sourate An-Nisa. Donc, le polythéisme, l'associatrie est une énorme injustice. L'associatrie et le polythéisme n'est pas pardonné pour celui qui s'en est pas repenti dans cette terre. Bien sûr, celui qui s'en repent avant de mourir, Allah lui pardonne. Mais on parle de celui qui meurt sans s'être repenti du polythéisme ou de l'associatrie. Troisièmement, le polythéisme et l'associatrie majeure est une cause d'annuler tous les actes et d'avoir la perdition éternelle. Allah Ta'ala a dit: Wa laqad uhiya ilayya wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Dans sourate Az-Zumar, Allah Ta'ala dit dans le sens: Il t'a été révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnais quelconque associé à Allah, tes œuvres seraient vaines, seraient annulées, seraient caduques, et tu serais parmi les perdants. Dans le hadith, Abu Bakr radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Voulez-vous que je vous dise quels sont les plus grands des péchés? Trois fois. Voulez-vous que je vous dise quels sont les plus grands des péchés? Voulez-vous que je vous dise quels sont les plus grands des péchés? Ils ont dit: Bien sûr que oui, au messager d'Allah. Il a dit: Le fait de donner un associé à Allah. Et la rupture des liens de parenté. Puis, il était adossé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis. Il a dit: La parole mensongère, le faux témoignage, la parole mensongère. Alors les sahaba ont dit: Laytahu sakat, si seulement il s'était tu. Le hadith est rapporté par le Bukhari aussi. Parmi les dangers et les méfaits du polythéisme et de l'associatrie, c'est que celui qui commet cette turpitude s'est égaré d'un égarement lointain. Allah Ta'ala dit: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Celui qui donne un associé à Allah s'est égaré d'un égarement lointain. Et celui, parmi les méfaits et les dangers du polythéisme et de l'associatrie, est que celui qui se rend coupable de ce crime, le paradis lui est interdit, à jamais. Et sa demeure est l'enfer pour l'éternité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Certes, celui qui donne un associé à Allah, Allah lui a interdit le paradis, et sa demeure est le feu. Et les injustes n'auront aucun secours. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.